Alors, pour nous, qui ça? Deyo! Yé Azabongo, mwana Oyamouke. Elle n'a que 14 ans d'âge. Bonsoir. Babis, Babisatro, Ezanga, Seigneur, Bill Gates. Ngamna souk sa tous les polémiques et les cas. Bangonya sa baza kata biblo, mon côté. Nao souk sa bango. Ming balobaka. Oh de Pascon Dinga. Oh ya set mwananga na oh neli bomme yo Seigneur. Na ebsa kabino bo kosa ka batela mokin na kombolanga. Bo tambola likola e bale bo zinda bo mela mai bo kufa. Bo gangala bon pepe e mema bine bamba bino na mir. Bo landanga na ring. Bo zwa ba kao debu. Bo kanisa na zaki shikle. Bo lianga na minu. Njoka na zaki dibanga. Ba mine bukana Seigneur. Bill Gates. Warasan, Kofio Njibe Piana. Seigneur, nous t'avons dit Bino. Beaucoup de canaté, boya. Ma polémique et si libo ça la polémique n'est bien la musique mais ben ami ezala te boyokana bozala ndenge bozala kakala boyokana boyambana bozonga ba camarade boyambana merci et si lité na senga la vie na piton papa emba na petine Kofi Olomide. Kofi Olomide, Seigneur. Viens offrimé. Oh, kaka randenge, we rentiana lo babanga mukolo. Pesa vena obo kulumbote. Attends, ndengo telefona kaya na bureau ya mbate, merci ko telefone. Ako ya mbao, pese mbote. Papa Wemba, mouze un poulan kende. Mal. Na benga ser na nga Colette Njongo. Motema ya samuz aya naba fiot nyoso